Chapitre 35e. Expiation. Mr. Thornton prolongeait sa visite. Il semblait que sa présence faisait du bien à Mr. Hale. Il était touché de la prière inarticulée qu'exprimaient les regards du plaintif. Ne vous en allez pas encore. Et qui accueillait chaque mouvement précurseur du départ chez Mr. Thornton. Il était surpris de ne pas voir revenir Marguerite, mais ce n'était pas pour la revoir qu'il restait, car dans ce moment, et en présence du pauvre affligé qui sentait si profondément le néant des choses de ce monde, il ne s'occupait que de la douleur de son ami, et il s'intéressait vivement à tout ce qu'il racontait. De la mort et de ce lourd sommeil, et de son esprit devenu sombre et pesant. Il était étonnant de voir quelle influence salutaire la visite de Mr. Thornton avait sur l'esprit de Mr. Hale, et combien, en sa présence, il laissait échapper de pensées secrètes qu'il cachait même à Marguerite. Était-ce parce que la sympathie de sa fille était si vive et si prompte, qu'il craignait la réaction qu'elle pourrait avoir sur lui-même? Était-ce parce que, des doutes de toutes sortes se présentant à la fois à son esprit, qui en demandait à grands cris la solution, il craignait de scandaliser sa fille en les lui exprimant, et plus encore de lui faire savoir qu'il avait pu les concevoir? Quel qu'en fût le motif, toujours est-il qu'il confia plus volontiers à Mr. Thornton qu'à Marguerite toutes les pensées, les imaginations et les craintes qui s'étaient amoncelées dans son cerveau. Mr. Thornton parlait peu, mais chacune de ses réflexions ajoutait à la confiance et à l'estime que Mr. Hale avait pour lui. Si ce dernier s'arrêtait, cherchant une expression pour rendre énergiquement quelque angoisse éprouvée par lui, deux ou trois paroles de Mr. Thornton complétaient soudain sa pensée et montraient combien il entrait dans les sentiments de son ami. Exprimait-il un doute, une crainte, une incertitude vague qui cherche en vain un appui parce qu'elle est aveuglée? Mr. Thornton, au lieu de se montrer choqué d'une opinion erronée, semblait avoir passé par les mêmes épreuves et subi la même route pénible. Il pouvait dire à son interlocuteur à quel endroit précis un rayon de soleil viendrait éclairer tous ces sentiers obscurs. Homme d'action, homme positif comme il l'était, engagé dans la grande lutte des affaires de ce monde, il y avait au fond de son cœur, en dépit de son esprit volontaire et de bien des erreurs, un sentiment religieux, sincère et profond, qui liait son âme à Dieu plus fortement que Mr. Hale ne l'aurait jamais pu croire. Dans la suite, ils n'abordèrent plus ce sujet. Mais cette seule conversation cimenta leur amitié et les unit l'un à l'autre d'une façon que ne connaîtront jamais ceux qui parlent sans discernement et légèrement des choses sacrées. Peut-il y avoir un sanctuaire là où tous sont admis indifféremment? Pendant ce temps-là, Marguerite était étendue, pâle, roide et glacée comme la mort, dans le cabinet de son père. Elle avait fléchi sous son fardeau. Il était lourd et elle l'avait porté longtemps, doucement et patiemment, jusqu'à ce que tout d'un coup, ayant perdu confiance, elle avait cherché en vain un appui. La seule chose qui trahit encore la vie de son pâle visage, c'était une douloureuse contraction de ses beaux sourcils, ses lèvres, naguère comprimées, et qui semblaient porter un défi, étaient détendues et livides. « E perché della sua labbia si muova ?» Uno spirito soave e pien d'amore, qui va dicendo all'anima, sospira. Le premier symptôme du retour de la jeune fille à l'existence fut un léger tremblement des lèvres, un muet effort pour parler. Mais ses yeux étaient encore fermés, et presque aussitôt les lèvres redevinrent immobiles. Puis, par degrés, la connaissance revint. Alors Marguerite, après s'être appuyée un instant sur ses mains, rassembla ses forces et se releva. Son peigne s'était détaché de ses cheveux, et dans son désir de cacher l'accident qui lui était arrivé et de réparer le désordre de sa personne, elle se mit à le chercher, bien que plus d'une fois elle eût à suspendre ses recherches et à se rasseoir pour ne pas défaillir de nouveau. La tête penchée en avant, les mains doucement croisées l'une sur l'autre, elle essaya de se rappeler tous les détails qui l'avaient tellement épouvantée, et qu'il avait fait lâchement céder à la tentation. Mais elle ne le put. Deux faits seulement étaient présents à son souvenir, que Frédéric courait risque d'être retrouvé et poursuivi à Londres, non seulement comme coupable d'homicide, mais encore sous l'accusation bien plus dangereuse d'avoir été chef de révolte et qu'elle avait menti pour le sauver. Ici au moins, elle avait une consolation. Son mensonge le sauvait, quand bien même il ne servirait qu'à gagner du temps. Si l'agent de police revenait le lendemain, après qu'elle aurait reçu la lettre qu'elle attendait avec tant d'impatience et qui devait l'assurer que son frère avait quitté l'Angleterre, elle braverait la honte. Et comme réparation de sa faute, elle, la hautaine Marguerite, elle l'avouerait, s'il le fallait, devant une cour de justice et devant toute la foule assemblée, qu'elle avait menti comme un chien. Mais si l'agent revenait avant qu'elle eût reçu des nouvelles de Frédéric, s'il repassait, comme il en avait presque menacé, dans quelques heures, eh bien, elle répéterait son mensonge, bien qu'après ce pénible temps d'arrêt, ces heures de réflexion et de remords, elle ne sût guère comment les paroles pourraient de nouveau sortir de ses lèvres. Mais elle le répéterait. Oui, car cela seul pouvait gagner du temps pour Frédéric. Elle fut interrompue dans ses réflexions par l'arrivée de Dixon, qui venait de reconduire Mr. Thornton à la porte. Ce dernier avait à peine fait 10 pas dans la rue, qu'un omnibus s'arrêta tout près de lui. Un homme en descendit, qu'il aborda en ôtant son chapeau. C'était l'agent de police. Mr. Thornton lui avait fait obtenir son premier emploi, et depuis il avait appris l'avancement de son protégé, mais sans le revoir souvent. Aussi ne le reconnut-il pas d'abord. « Je me nomme Watson, George Watson, monsieur à qui vous avez procuré. »« Ah oui, je me rappelle. Eh bien, mon cher, j'ai appris que vous faites votre chemin. »« Oui, monsieur, c'est à vous que je le dois. »« Mais c'est pour une affaire qui m'embarrasse un peu que je prends la liberté de vous demander votre avis. » Je crois que c'est vous qui avez été mandé comme magistrat pour recevoir la déposition d'un individu qui est mort la nuit dernière à l'hospice. Oui, répondit Mr. Thornton. J'y suis allé et je n'ai pu tirer de lui que quelques phrases vagues et décousues, que le greffier ne regarde pas comme des renseignements sérieux. Je crois bien que ce n'était après tout qu'un ivrogne, bien qu'il soit à présumer que sa fin a été hâtée par quelques coups violents. Il devait épouser une des domestiques de ma mère, et la pauvre fille est dans les larmes à l'heure qu'il est. Qu'avez-vous à m'apprendre de nouveau sur cette affaire ? Eh bien, monsieur, quelqu'un dans la maison d'où je vous ai vu sortir tout à l'heure se trouve étrangement mêlé là-dedans. C'est chez Mr. Hale que vous étiez, je crois ? Oui, dit Mr. Thornton, se retournant brusquement et regardant l'agent avec une expression qui montrait que la chose l'intéressait vivement. Après ? Il me semble, monsieur, que j'ai recueilli des renseignements suffisants pour indiquer comme l'auteur de la chute qui a éventuellement causé la mort de Léonard, un monsieur qui se promenait ce soir-là avec Miss Hale à la station d'Outwood. Mais la jeune dame nie y avoir été. Miss Hale nie y avoir été, répéta Mr. Thornton d'un air atterré. Dites-moi, quel jour était-ce? À quelle heure? À peu près à 6 heures du soir, jeudi dernier, 26 du courant. Ils continuèrent à marcher côte à côte et en silence pendant 1 ou 2 minutes. L'inspecteur parla le premier. « Vous voyez, monsieur, que selon toute probabilité, il y aura une enquête du coroner, et il y a un jeune homme qui est sûr, du moins il le paraissait d'abord, mais depuis qu'on lui a dit que la jeune dame niait, il dit qu'il n'en jurerait pas. Enfin, il est à peu près sûr d'avoir vu Miss Hale à la station. » Se promenant avec un monsieur moins de 5 minutes avant l'heure où un des gardiens des portes aperçut de loin une rixe qu'il a attribuée à l'insolence de Léonard, et qui a fini par la chute de ce dernier. Et comme je vous ai vu sortir de cette maison, monsieur, j'ai pris la liberté de vous demander si... Vous savez que les cas d'identité douteuse sont toujours embarrassants lorsqu'on les nie, et on n'aime pas à soupçonner la véracité d'une jeune personne aussi bien élevée, à moins d'avoir des preuves positives. Et elle a nié avoir été à la station ce soir-là, répéta Mr. Thornton d'une voix sourde. Oui, monsieur. 2 fois, elle l'a nié aussi distinctement que possible. Je lui ai dit que je repasserais. Mais, vous ayant aperçu en revenant de questionner le jeune homme qui avait assuré que c'était elle, j'ai pensé à vous demander votre avis, comme au magistrat déjà saisi de l'affaire et comme au protecteur qui m'a fait entrer dans l'administration. Vous avez fort bien fait, dit Mr. Thornton. Ne faites aucune démarche avant de m'avoir revu. D'après ce que j'ai dit, la jeune dame s'attend à me revoir. Ce ne sera qu'un retard d'1 heure. Voyons, il est 3 heures. Venez me trouver au magasin à 4 heures. « Fort bien, monsieur, j'y serai. » Ils se séparèrent. Mr. Thornton se dirigea en toute hâte vers son magasin, et défendant sévèrement à ses commis de permettre à qui que ce fût de l'interrompre, il entra dans son bureau particulier et s'y enferma. Là, il s'infligea la cruelle torture de repasser dans son esprit tout ce qui avait eu lieu, et d'en reprendre tous les détails. Comment pouvait-il avoir laissé endormir ses soupçons et ses doutes par cette physionomie trompeuse, par ce visage baigné de larmes qu'il avait eu devant les yeux 2 heures auparavant? Comment avait-il pu la plaindre et presque pleurer avec elle, et oublier cette jalousie sauvage qui l'avait mordue au cœur en la voyant seule avec cet inconnu, à cette heure nocturne, dans cet endroit retiré? Comment une femme si pure, si réservée et si fière avait-elle pu descendre si bas? Mais était-elle en effet réservée? L'était-elle? Il s'en voulait à lui-même d'avoir accueilli, même en ce moment où il doutait d'elle, un instant seulement, il est vrai, une pensée d'amour à son égard, qui lui faisait voir combien son image avait encore d'empire sur son cœur. Et ce mensonge, combien devait être terrible la crainte de voir révéler sa honte. Car après tout, il n'y avait pas de danger matériel, et la provocation d'un homme pris de vin comme Léonard était plus que suffisante pour justifier complètement la personne qui serait venue franchement donner les détails. Quelle était donc cette crainte mortelle qui avait pu faire descendre la véridique Marguerite au mensonge? Il avait presque pitié d'elle. Et comment tout cela se terminerait-il? Elle n'avait pas considéré l'imprudente dans quel labyrinthe elle s'engageait s'il y avait une enquête, et si le garçon épicier qu'il avait reconnu persistait dans son dire. Il tressaillit soudain. Il allait arrêter l'enquête. Il sauverait Marguerite. Il assumerait sur lui toute la responsabilité de l'affaire, car l'issue ne pouvait en être prévue, à cause de l'incertitude que trahissait le témoignage des médecins, dont il avait entendu faire le résumé la veille par le chirurgien de l'hospice. Les hommes de l'art avaient découvert une maladie interne fort avancée et incurable, et avaient été d'avis que la mort avait été hâtée par la chute et l'ivresse de Léonard ainsi que par le froid auquel il avait été exposé. Si Mr. Thornton avait su que Marguerite serait impliquée dans l'affaire, s'il avait pu prévoir qu'elle sourirait d'un mensonge la candeur de son âme, il l'en aurait sauvé d'un mot, car la question d'enquête avait été agitée la veille, et il n'aurait tenu qu'à lui d'empêcher qu'on en fît une. Miss Hale en aimait un autre, elle s'était montrée indifférente et pleine de hauteur envers lui, et pourtant il ferait tout au monde pour lui rendre un service dont elle n'aurait jamais connaissance. Il pouvait la mépriser, mais elle ne devait l'être par personne. La femme qu'il avait aimée ne devait pas être exposée à la honte, et ce serait une honte que de soutenir un mensonge devant la justice, ou bien de l'avouer publiquement, et de reconnaître ainsi qu'elle avait eu des raisons pour préférer l'obscurité à la lumière. Mr. Thornton avait l'air sévère et préoccupé lorsqu'en sortant de son bureau, il passa sans s'arrêter devant ses commis étonnés. Il s'absenta environ une demi-heure, et lorsqu'il rentra, sa physionomie ne s'était guère éclaircie, quoiqu'il eût réussi dans la démarche qu'il avait tentée. Il écrivit 2 lignes sur un bout de papier, le mit dans une enveloppe et la cacheta, puis il la remit aux mains d'un commis en disant « J'ai donné rendez-vous à Watson, l'ancien emballeur du magasin qui est maintenant inspecteur de police. Il doit venir ici à 4 heures. Mais je viens de rencontrer un monsieur de Liverpool que j'ai absolument besoin de voir avant son départ. Ayez soin de donner ce billet à Watson quand il viendra. » Le billet contenait ces mots « Il n'y aura pas d'enquête. Le témoignage des médecins n'est pas assez positif pour la justifier. Ne poussez pas l'affaire plus loin. Je n'ai pas encore vu le coroner, mais je prends tout sur moi. » « Tant mieux, » pensa Watson. « Voilà qui me retire une épine du pied. Pas un de mes témoins ne paraissait sûr de ce qu'il disait, excepté cette jeune dame. Quant à elle, par exemple, elle ne tergiversait pas, mais les autres. » Le gardien des portes avait vu une rixe, et quand il s'est agi de paraître en témoignage, alors il n'en était plus aussi certain. C'était peut-être une plaisanterie, et peut-être Léonard avait-il sauté de lui-même en bas de la plateforme. Il ne pouvait rien affirmer. Et ce Jennings, le garçon épicier, il semblait un peu plus sûr de son affaire, mais quand il apprit que Miss Hale niait positivement, je crois qu'il n'aurait pas soutenu son dire par serment. Tout cela nous aurait causé bien du tracas pour rien. « Allons, Je vais aller leur dire qu'on n'a plus besoin d'eux. » En conséquence, il se présenta chez Mr. Hale dans la soirée. Ce dernier, ainsi que Dixon, avait, à diverses reprises, engagé Marguerite à se mettre au lit. Mais ni l'un ni l'autre ne soupçonnait le motif de ses refus réitérés. Dixon savait en partie la vérité, mais seulement en partie. Marguerite n'aurait pas voulu avouer à un seul être humain le mensonge qu'elle avait fait, et elle n'avait révélé à personne les conséquences fatales de la chute de Léonard. Aussi, la curiosité de Dixon venait-elle s'ajouter à sa sollicitude pour Marguerite, et elle n'en pressait que plus sa jeune maîtresse d'aller prendre un repos dont celle-ci n'avait évidemment que trop grand besoin. Mademoiselle ne parlait que si on lui adressait la parole, et essayait vainement de répondre par un sourire aux regards inquiets et aux tendres questions de son père. Mr. Hale, à la fin, parut tellement alarmé que sa fille, pour le tranquilliser, consentit à se retirer dans sa chambre. Elle commençait d'ailleurs à ne plus compter sur la visite de l'agent, car il était plus de 9 heures. Avant de sortir, elle dit à son père, en s'appuyant sur le dos de son fauteuil, « Vous irez bientôt vous coucher, n'est-ce pas, mon père ? Ne restez pas seul, à veiller, je vous en prie. » Elle n'entendit pas la réponse de Mr. Hale. Un bruit matériellement bien plus faible que celui des paroles de ce dernier, mais que son attente inquiète fit parvenir distinctement à son oreille, absorba toute son attention. C'était un léger coup de sonnette à la porte de la maison. Elle embrassa son père, descendit avec une rapidité dont on ne l'aurait jamais cru capable, celui qui l'aurait vu l'instant d'auparavant, et repoussa Dixon qui voulait descendre aussi. « Non, ne venez pas, j'ouvrirai bien la porte. Je sais qui c'est, j'arrangerai tout. Il faut que ce soit moi seul. Comme il vous plaira, miss. » Fit Dixon d'un air un peu aigre, puis elle ajouta, « Mais assurément, vous n'êtes pas en état d'y aller. Vous êtes plus morte que vive. Vraiment ?» dit Marguerite, en se retournant et montrant des yeux brillants d'un feu étrange, des joues enflammées et des lèvres livides et desséchées. Elle ouvrit la porte à l'employé qu'elle précéda dans le cabinet de son père. Elle mit sur la table la chandelle, qu'elle moucha lentement et avec soin, puis se retourna du côté de l'agent. « Vous venez bien tard, » lui dit-elle. « Eh bien, qu'y a-t-il ? » Elle retint son haleine pour mieux entendre la réponse. « Je regrette de vous avoir dérangé inutilement, madame, car après tout, on a renoncé à faire une enquête. J'aurais dû revenir plus tôt vous en informer, mais j'ai eu d'autres affaires sur les bras et d'autres courses qui m'ont retardé. » « Alors tout est dit, » fit Marguerite. « On ne viendra plus aux renseignements. » « Je crois que j'ai sur moi le billet de Mr. Thornton, » dit l'inspecteur, cherchant dans son portefeuille. « De Mr. Thornton ?» dit Marguerite. « Oui, c'est le magistrat qui... Ah, le voici !» Elle le prit, le déplia. Mais elle ne put le lire, bien qu'elle fût tout près de la lumière. Un nuage était devant ses yeux. Mais elle tenait toujours le billet entre ses doigts et semblait en étudier attentivement les caractères. « Mon esprit se trouve soulagé d'un grand poids, madame. » car les témoignages n'avaient rien de positif. On ne pouvait même parvenir à prouver que Léonard eût reçu un coup. Et puis, si la question d'identité était encore venue compliquer l'affaire, comme je le disais à Mr. Thornton... « Mr. Thornton, » répéta encore Marguerite, « je l'ai rencontré ce matin juste au moment où il sortait d'ici. Et comme c'est un de mes anciens protecteurs, et le magistrat qui a reçu la dernière déposition de Léonard, j'ai pris la liberté de lui conter l'embarras dans lequel je me trouvais. » Marguerite poussa un profond soupir, mais elle n'en voulut pas entendre davantage. Elle était également effrayée, et de ce qu'elle avait appris, et de ce qu'elle pourrait apprendre. Elle aurait voulu que cet homme s'en allât. Elle se força pour parler. « Je vous remercie d'être venu. Il est bien tard, je crois qu'il est au moins 10 heures. Ah, voici le billet, » continua-t-elle, interprétant soudain le geste de l'agent qui tendait la main pour le réclamer. Il le remettait dans l'enveloppe lorsqu'elle lui dit « C'est une écriture serrée et difficile à déchiffrer. Auriez-vous l'obligeance de me le lire, car je n'ai pu en venir à bout ?» Il le lut tout haut. « Merci. Vous avez dit à Mr. Thornton que je n'étais pas à la station. Oh, sans doute, madame. Je regrette maintenant d'avoir agi d'après des renseignements aussi erronés. Mais le jeune commis d'épicerie avait l'air parfaitement sûr, et maintenant il dit qu'il peut bien s'être trompé, et il espère que son erreur ne fera pas perdre votre pratique à sa maison. « Bonsoir, madame. Bonsoir. » Et elle sonna pour que Dixon le reconduisît. Comme cette fille revenait, elle rencontra dans le couloir Marguerite qui passa rapidement devant elle en disant, sans même la regarder, « Tout va bien. » Et avant que Dixon eût pu lui faire une question, elle avait gravi l'escalier et était entrée dans sa chambre à coucher dont elle ferma la porte au verrou. Elle se jeta tout habillée sur son lit. Ses forces étaient trop épuisées pour qu'elle pût même penser. Une demi-heure, peut-être davantage, s'écoula dans un état de torpeur dont elle fut retirée à la fin par la douleur de la fausse position qu'elle avait prise et par la sensation de froid qui survient toujours après une grande fatigue. Elle commença alors à se rappeler, à s'étonner, à réfléchir. La première idée qui se présenta à son esprit fut que cette cruelle alarme à l'endroit de Frédéric était dissipée, que la crise était passée. La seconde pensée fut un grand désir de retenir mot à mot tout ce que l'agent avait raconté de Mr. Thornton. Quand l'avait-il vu? Que lui avait-il dit? Qu'avait fait Mr. Thornton? Quels étaient exactement les termes de son billet? Et son esprit refusait d'avancer dans le cours de ses idées, jusqu'à ce qu'elle se fût redit à elle-même, sans en omettre, sans en déplacer une syllabe, une particule, les expressions dont il s'était servi dans ce billet. Elle reprit alors le fil de ses réflexions et elle en vint à cette conclusion que Mr. Thornton l'avait vu à la station d'Outwood dans cette fatale soirée du jeudi et qu'on lui avait dit qu'elle niait y avoir été. Elle était donc à ses yeux une menteuse. Elle avait menti en effet. Elle ne songeait pas à se repentir ni à s'humilier devant Dieu, non. Il n'y avait dans sa tête que le chaos et les ténèbres, d'où ressortait en traits de feu ce fait distinct, qu'elle était désormais avilie aux yeux de Mr. Thornton. Elle ne se souciait pas même, au fond de son cœur, des circonstances atténuantes qui militaient en sa faveur. Tout cela ne regardait pas Mr. Thornton. Elle n'eut pas même un instant l'idée que lui ou aucun autre pût trouver matière à soupçon dans l'action si naturelle d'avoir accompagné son frère. Mais elle avait fait un mensonge que sa propre conscience lui reprochait, et dès lors il avait le droit de la juger. « Oh, Frédéric, Frédéric » s'écria-t-elle, « quel sacrifice n'ai-je pas fait pour toi ?» Et même pendant son sommeil, ses pensées continuèrent à tourner dans le même cercle, seulement avec toute l'exagération des circonstances bizarres et monstrueuses qu'enfantent les rêves. Lorsqu'elle se réveilla, une idée nouvelle lui apparut avec les lueurs du matin. Mr. Thornton avait appris son mensonge avant d'aller trouver le coroner. Ceci lui suggéra la pensée que peut-être il avait été poussé à cette démarche par le désir de lui en épargner la répétition. Mais elle repoussa cette supposition avec l'opiniâtreté d'un enfant volontaire. Et d'ailleurs, si c'était vrai, elle ne lui en avait aucune reconnaissance car elle voyait trop clairement combien il la trouvait coupable, puisqu'il avait pris tant de peine pour lui épargner la honte de mentir une seconde fois. Elle l'aurait subi de nouveau, elle l'aurait nié encore. Elle se serait parjurée pour sauver Frédéric, s'il lui fallu et si, par un parjure, elle eût pu empêcher Mr. Thornton d'apprendre ce qu'il avait décidé à intervenir pour le sauver. Quel fâcheux hasard lui avait fait rencontrer l'inspecteur? Par quelle fatalité se trouvait-il justement le magistrat appelé pour recevoir la déposition de Léonard? Et que lui avait dit Léonard? Avait-il pu parler assez clairement pour faire soupçonner la présence de Frédéric à Mr. Thornton? Qui peut-être savait par Mr. Bell l'accusation qui pesait sur son frère? Dans ce cas, il aurait agi pour sauver le fils qui, en dépit de la loi, était venu recevoir le dernier soupir de sa mère. Oh! S'il en était ainsi, elle serait vraiment reconnaissante. Mais elle ne pouvait l'être, quant à présent, du moins, si l'intervention de Mr. Thornton avait été motivé par une pitié dédaigneuse. Et pourtant, il avait un juste motif de la mépriser, lui, Mr. Thornton, qu'elle avait regardé jusqu'ici du haut de sa grandeur imaginaire. Et soudain, elle se trouvait à ses pieds, et son orgueil était singulièrement blessé de cette chute. Elle n'eut pas le courage d'aller des prémices à la conclusion, et de s'avouer elle-même tout le prix qu'elle attachait à l'estime et à la bonne opinion de cet homme. Quand cette idée lui apparaissait au bout d'une longue suite de réflexions, elle en détournait son esprit et lui faisait prendre une autre route. Il était plus tard qu'elle ne pensait, car dans l'agitation de la veille, elle avait oublié de remonter sa montre. et Mr. Hale avait donné des ordres précis pour qu'on la laissât reposer. Cependant, à la fin, la porte de sa chambre fut ouverte avec précaution et le visage de Dixon apparut. Voyant Marguerite éveillée, elle entra une lettre à la main. « Voilà qui va vous faire du bien, miss, une lettre de M. Frédéric. »« Merci, Dixon, comme il est tard. » Elle parlait languissamment et laissa Dixon poser la lettre sur sa couverture sans même étendre la main pour la recevoir. « Vous avez besoin de prendre quelque chose, j'en suis sûr. Je vais vous apporter votre déjeuner à la minute. Monsieur l'a fait tenir tout prêt pour vous sur un plateau. » Marguerite ne répondit pas. Elle la laissa aller. Elle sentait qu'il lui fallait être seule avant de pouvoir ouvrir cette lettre. Elle l'ouvrit enfin. La première chose qu'elle vit fut qu'elle avait 2 jours de date. Il avait donc écrit ainsi qu'il l'avait promis, et toutes ses terreurs auraient pu être évitées. Mais elle allait bien voir. Il avait fini par joindre Henry Lennox, qui déjà en savait assez pour secouer la tête, et lui dire au premier abord qu'il avait été bien hardi de revenir en Angleterre sous le coup d'une accusation capitale. Mais quand ils avaient eu causé ensemble et que Frédéric lui avait eu expliqué tous les détails de l'affaire, Mr. Lennox avait reconnu qu'il aurait des chances d'acquittement s'il pouvait faire établir ses moyens de défense par des témoins dignes de foi, que dans ce cas, il pouvait courir la chance de demander la révision du jugement, mais qu'autrement il s'exposait au plus grand danger. Du reste, il examinerait l'affaire avec l'attention la plus scrupuleuse. « Il m'a semblé, ajoutait Frédéric, que ta recommandation, ma petite sœur, ne m'avait pas nui auprès de lui. Me suis-je trompé ? Il m'a fait une foule de questions. Il paraît être vif, intelligent et avoir une grande clientèle, si j'en juge d'après les apparences et le nombre de clercs que j'ai vus chez lui. Mais tout cela peut être un charlatanisme d'avocat pour jeter de la poudre aux yeux. J'ai mis la main sur un vapeur qui va partir, et je pars dans 5 minutes. Il se peut que je revienne ici pour mon affaire. Ne parlez à personne de ma visite. J'enverrai à mon père du vieux Xérès, tel qu'on ne peut en trouver en Angleterre. La bouteille que j'ai devant moi en ce moment est détestable, par parenthèse. Cela lui remettra l'estomac et lui donnera du ton. Il en a besoin. Offre-lui mes plus tendres respects. Que Dieu le protège. Je suis sûr que... Mais voici le cab. P.S. Comme je l'échappais belle. Surtout, ne souffle pas un mot de mon voyage, pas même au chaud. Marguerite regarda l'enveloppe. Ses mots y étaient timbrés. Après le départ. La lettre avait probablement été confiée à quelques garçons négligents, qui ne l'avaient pas mise exactement à la poste. Oh, à quoi avait donc tenu qu'elle ne sortît victorieuse de la tentation? Quel tissu de circonstances plus faible que le frêle tissu de l'araignée, l'avait entraîné à sa perte. Frédéric était hors de danger depuis plus de 30 heures. Il n'y en avait que 18 qu'elle avait menti pour lui épargner des poursuites qui, alors même, n'eussent pu avoir pour lui aucun résultat fâcheux. Que sa foi avait été faible. Qu'était devenue sa noble et fière devise « Fais ce que doit, advienne que pourra ». Si elle eût seulement osé dire bravement la vérité quant à ce qui la concernait, défiant le monde entier de lui faire révéler ce qu'elle voulait tenir caché au sujet de son frère, combien son cœur serait léger à cette heure. Elle ne serait pas humiliée devant Dieu pour avoir manqué de foi et de confiance en lui. Elle ne serait pas dégradée, avilie dans l'esprit de Mr. Thornton. À cette seule pensée, un tremblement nerveux s'emparait d'elle. Quoi ? Elle mettait l'opinion de cet homme au même niveau que la colère de Dieu ? Comment se faisait-il que la crainte de son mépris bouleversa ainsi tout son être. Qu'est-ce que cela voulait dire? Pourquoi? En dépit de son orgueil, en dépit d'elle-même, s'inquiétait-elle ainsi de son jugement? Il lui semblait qu'elle pouvait supporter la pensée d'avoir offensé le Tout-Puissant, parce que du moins lui savait tout, qu'il pouvait lire le repentir au fond de son cœur, qu'il entendrait ses supplications et la préserverait à l'avenir d'une semblable faute. Mais Mr. Thornton... Pourquoi tremblait-elle ainsi et cachait-elle son visage dans son oreiller à l'idée de cet homme? Quel sentiment étrange et violent s'était donc emparé d'elle? Elle se leva précipitamment et, se jetant à genoux, elle pria longtemps avec ferveur. Elle éprouva une sorte de consolation et d'adoucissement à répandre ainsi son cœur devant Dieu. mais lorsqu'elle résuma sa situation, elle vit que le dard était encore dans la plaie, qu'elle n'était ni assez pure ni assez résignée pour faire volontairement le sacrifice de l'opinion d'un homme, que l'idée du mépris que cet homme éprouvait pour elle dominait celle du repentir que lui causait sa faute. Aussitôt qu'elle fut habillée, elle porta sa lettre à son père. L'allusion à leur aventure de la station était si légère que Mr. Hill ne la remarqua même pas. La seule chose qui le frappa fut que son fils s'était embarqué sans avoir été poursuivi ou découvert. Il fit peu d'attention aux autres détails de la lettre, tant il était inquiet de l'air souffrant de Marguerite. Elle semblait sans cesse sur le point de pleurer. « Tu es épuisée, ma pauvre Marguerite, ce n'est pas étonnant. Mais à présent, ma fille, il faut me laisser te soigner. » Il la fit coucher sur le sofa et alla chercher un châle pour l'en couvrir. Cette touchante sollicitude rouvrit la source des larmes et elle pleura amèrement. « Pauvre enfant, ma pauvre enfant » répétait-il en la regardant avec tendresse, tandis qu'elle, le visage tourné vers la muraille, éclatait en sanglots nerveux. Elle se calma au bout de quelque temps. Il se demanda alors si elle oserait soulager son cœur en racontant toutes ses peines à son père. Mais en y réfléchissant, elle trouva qu'il valait mieux n'en rien faire. La seule chose qui l'y engagea était sa propre satisfaction. Mais elle en était détournée par la crainte d'ajouter encore aux inquiétudes de son père, dans le cas où Frédéric reviendrait en Angleterre. Mr. Hale serait alors incessamment tourmenté par l'idée que son fils avait causée, bien qu'involontairement, la mort d'un homme. Cette pensée le poursuivrait sans relâche, sous toutes les formes possibles d'exagération. Et s'il lui avouait sa grande faute, à elle, il se désolerait outre mesure du peu de courage et du peu de foi de sa fille, et cependant, se mettrait perpétuellement l'esprit à la torture pour lui trouver des excuses. Autrefois, Marguerite s'est revenue à lui comme à un prêtre, plus encore que comme à son père. Elle lui aurait confessé la tentation et le péché, mais depuis longtemps il s'était abstenu d'aborder les questions religieuses et elle ne savait pas, à cause du changement de ses opinions, comment il répondrait à l'appel que du fond de son âme elle aurait voulu faire au cœur du pasteur. Non, tout bien considéré, elle garderait son secret et porterait seule le poids de son fardeau. Seule, elle se mettrait en présence de Dieu et implorerait sa miséricorde. Seule, elle supporterait la position qu'elle s'était faite dans l'opinion de Mr. Thornton. Elle était touchée au-delà de toute expression de la tendre s'inquiète de son père, de ses efforts pour trouver quelque sujet de conversation qui lui fût agréable et qui détourna son esprit des douloureuses scènes d'un passé trop récent. Il y avait plusieurs mois que Mr. Hale ne s'était montré aussi causeur que ce jour-là. Il ne voulut pas permettre qu'elle se levât, et offensa grièvement la trop susceptible Dixon en voulant absolument servir lui-même sa fille. À la fin, Marguerite sourit d'un faible et pâle sourire, mais qui pourtant donna à son père une satisfaction réelle. « N'est-il pas étrange, dit-elle, de penser qu'en ce moment notre meilleure espérance pour l'avenir s'appelle Dolores ?» Cette observation participait plus de la nature et de l'humeur habituelle de son père que de la sienne, mais aujourd'hui il semblait avoir changé de rôle. « Sa mère était espagnole, je crois, » reprit Mr. Hale, « ce qui explique qu'elle soit catholique. Son père était un ferme presbytérien lorsque je l'ai connu. C'est un nom très harmonieux et fort joli. Comme elle est jeune, elle a 14 mois de moins que moi, juste l'âge qu'avait Edith lorsqu'elle a été fiancée au capitaine Lennox. Nous irons les voir en Espagne, n'est-ce pas, mon père ?» Mr. Hale secoua la tête. « Si tu le désires, Marguerite, seulement nous reviendrons ici. Il me semble que ce serait faire injure à la mémoire de votre pauvre mère, qui, je le crains, avait tant d'aversion pour Milton si nous le quittons à présent qu'elle y repose pour toujours et qu'elle ne peut nous suivre. Non, ma chère enfant, tu iras plutôt les voir et tu me raconteras tous les détails qui concernent ma fille d'Espagne. Oh, papa, je n'irai pas sans vous. Qu'est-ce qui vous soignerait en mon absence ?» « Je voudrais bien savoir lequel de nous deux soigne l'autre à l'heure qu'il est. Si tu fais le voyage, je persuaderai à Mr. Thornton de me laisser lui donner double leçon. Nous travaillerons fameusement les classiques. Ce sera un intérêt de tous les moments. Tu pourrais ensuite pousser plus loin et aller voir Edith à Corfou si cela te souriait. » Marguerite fut quelque temps sans répondre, puis elle dit gravement « Merci, mon père. mais je ne m'absenterai pas. Espérons plutôt que Mr. Lennox s'arrangera si bien que Frédéric pourra nous amener Dolores lorsqu'ils seront mariés. Quant à Edith, le régiment du capitaine ne restera pas longtemps à Corfou maintenant, et peut-être que dans un an nous pourrons voir les deux couples ici. Les sujets agréables de conversation subirent alors un brusque temps d'arrêt. Quelques tristes souvenirs avaient traversé l'esprit de Mr. Hale et le réduisaient au silence. Au bout de quelque temps, Marguerite lui dit « Mon père, avez-vous vu Nicholas Higgins à l'enterrement ?» Il y était, et Marie aussi. Pauvre homme. C'était la seule manière dont il put nous montrer sa sympathie. Il y a un cœur bon et affectueux sous cette rude écorce. Je le sais, répondit Mr. Hale. Je l'ai toujours pensé, même quand tu voulais me persuader que c'était une espèce de mauvais sujet. Nous irons les voir demain, Marguerite, si tu te trouves assez forte pour marcher jusque-là. Oh oui, j'ai grande envie de les voir. Nous n'avons pas payé Marie, ou plutôt, elle a refusé de rien recevoir à ce que Dixon m'a dit. Nous partirons de manière à arriver juste à la fin de leur dîner, avant que le père retourne à l'ouvrage. Vers le soir, Mr. Hale dit « Je m'attendais presque à voir Mr. Thornton. Il parlait hier d'un livre que je voudrais lire et qui se trouve dans sa bibliothèque, et il me disait qu'il tâcherait de me l'apporter aujourd'hui. » Marguerite soupira. Elle savait bien qu'il ne viendrait pas. Il avait trop de délicatesse pour risquer de la rencontrer, tandis qu'il avait sa honte si présente à l'esprit. La simple mention du nom de cet homme renouvela tous ses tourments et la fit retomber dans son état de préoccupation et d'abattement. Elle céda de nouveau à la langueur qui s'emparait d'elle. Soudain, elle fut frappée de l'idée que c'était là une étrange manière de montrer sa patience et de récompenser son père des soins vigilants dont il avait entouré toute cette journée. Alors elle se mit sur son séant et lui offrit de lui faire la lecture. Comme les yeux de Mr. Hale étaient fatigués, il accepta volontiers sa proposition. Elle lut correctement, elle donna même le ton convenable. Mais si, lorsqu'elle eut fini, quelqu'un lui eût demandé l'analyse de sa lecture, il eût été impossible de la faire. Elle avait pensé tout le temps à Mr. Thornton. Elle se sentait ingrate envers lui, car elle avait refusé dans la matinée de lui savoir gré des démarches qu'il avait faites auprès des médecins pour empêcher l'enquête d'avoir lieu. Oh, maintenant elle lui en était reconnaissante. Elle avait été poltronne et menteuse. Elle avait montré sa poltronnerie par une action sur laquelle elle ne pouvait revenir, mais elle n'était pas ingrate. C'était une sorte de consolation pour elle de sentir qu'elle rendait justice à celui dont elle se savait méprisée. Oui, et il avait de si justes raisons de le faire, qu'elle aurait eu moins d'estime pour lui s'il en eût été autrement, et elle éprouvait du bonheur à l'estimer. Il ne pouvait l'en empêcher, et c'était la seule consolation à ses maux. À une heure assez avancée de la soirée, le livre en question arriva. Un domestique l'apporta avec les compliments affectueux de Mr. Thornton, qui faisait demander des nouvelles de Mr. Hale. « Dites que je vais beaucoup mieux, Dixon, mais que Miss Hale... »« Non, papa, » dit vivement Marguerite. « Ne dites rien de moi, il n'a rien demandé. »« Ma chère enfant, tu as le frisson ?» lui dit son père au bout de quelques minutes. « Il faut te coucher tout de suite. Tu es d'une pâleur effrayante. » Marguerite consentit, quoi qu'il lui en coûtât, à quitter son père. Elle avait grand besoin de solitude, après une journée d'amère réflexion et d'un repentir plus amer encore. Mais le lendemain, elle était presque dans un état normal. Sa gravité sévère et triste, et ses distractions fréquentes, n'avaient rien que de naturel dans les premiers temps d'un deuil aussi profond. À mesure qu'elle semblait revenir à la vie et à la santé, son père retombait dans ses vagues et douloureuses rêveries sur la mort de sa femme et sur cette époque de sa vie qui ne devait jamais revenir.